Vous parlez souvent de politique. Oui, c'est un sujet dont je parle souvent. Vous parlez parfois de la pollution? Oui, c'est un problème dont je parle parfois. Vous êtes responsable de la gestion? Oui, c'est un service dont je suis responsable. Vous vous servez de la photocopieuse? Oui, c'est une machine dont je me sers. Vous avez besoin du planning? Oui, c'est un document dont j'ai besoin.